bienvenue sur le PCC. Il s'agit du volume 213. J'allais me tromper de numéro, dis donc. Et nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 mai 2009. J'espère que ça va bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts pour un PCC rempli de choses qui vont vous ravir les oreilles. Enfin, j'espère, en tout cas, c'est toujours le but des choses que j'essaie de partager avec vous. Donc, au sommaire, va y avoir quoi ? Va y avoir une chronique geek encore relativement fournie cette semaine. Va y avoir aussi deux previews d'interviews que j'ai réalisées tout récemment pour la chaîne Guitare. Et puis, grand bonheur, vous savez que c'est toujours un grand bonheur, un feedback audio qui me vient de deux personnes qui habitent dans le coin de Bordeaux. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, certains se seront reconnus, n'est-ce pas ? Alors, donc la chronique geek cette semaine, je voulais vous parler de Twitter qui décidément est vraiment au cœur de tout ce qui se passe au niveau du web 2.0 en ce moment. C'est assez impressionnant de voir l'attraction, je sais pas comment on dit, l'emballement qui semble y avoir au niveau de Twitter en ce moment. Écoutez, moi je dors quasiment avec mon iPhone, hein, ce qui me sert aussi de réveil, j'écoute des podcasts des fois en m'endormant, etc. Donc c'est vrai que je suis un peu un maniaque, hein, faut bien le reconnaître. Et toujours est-il que le matin en me levant, après avoir arrêté l'alarme du réveil, bon, je jette un coup d'œil sur l'email pour voir si la Troisième Guerre mondiale a été déclarée ou si on m'a proposé une job à 200 000 euros ou un truc comme ça. Bon, c'était pas le cas ce matin, ni pour la job à 200 000 euros, ni pour la Troisième Guerre mondiale, mais par contre, j'avais 22 emails non lus, et dont 16 demandes, c'est pas des demandes en fait, 16 alertes comme quoi, que je reçois via un service très bien foutu d'ailleurs, qui s'appelle Topify, donc un service qui vous prévient quand il y a quelqu'un qui vous suit à l'intérieur de Twitter. Alors, de base, Twitter fait ça et vous envoie un email. Là, avec Topify, ce qu'il y a de bien, c'est que le email, il est formaté, il est un peu plus lisible, il y a un peu plus d'informations. Et, chose très agréable, vous pouvez faire juste un reply sur le message pour faire un follow-back de la personne. Donc, toujours est-il que j'ai reçu 16 demandes ce matin, enfin plutôt 16 alertes, encore une fois, comme quoi j'avais eu 16 nouvelles personnes qui me suivaient. Donc, alors, voilà, après le petit déjeuner, j'ai regardé un peu mes emails en détail, et puis bon, c'est quand même assez, c'est sur les 16, il y en a qu'une personne sur laquelle j'ai fait un follow back. Les 15 autres, c'était des trucs soit qui parlaient de blabla, de social media marketing par-ci, d'internet par-là, enfin bon, ça avait rien à voir. En plus, à peu près toutes c'était des anglophones, soit des Américains, soit des Australiens. Donc bon, ça m'arrive de tweeter en anglais, enfin je pense 80-90% du temps je tweete en français, donc j'ai un peu du mal à croire que tout ça c'est des gens là qui comprennent le français. Si je me trompe, tant mieux, hein. Mais je pense plutôt que pour une raison que j'ignore, par un phénomène qui m'est encore inconnu, visiblement mon nom de Twitter est sur certains radars et il fait que du coup... Je me fais suivre beaucoup. Alors bon, il n'y a pas de quoi en faire un fromage non plus. Sachant que bon, à la limite, il y aurait la moitié de l'humanité qui me suivrait dans Twitter, ça me ferait une belle jambe. Moi, ce qui m'importe, c'est les gens que je suis. Hein. Alors, je suis les gens que j'ai envie de suivre parce que ce qu'ils disent, leur tweet me paraît intéressant. Et puis, les gens qui me suivent comme ça, je regarde leurs 4-5 derniers tweets, c'est ça qu'il y a dans le message de Topify. Et puis, je décide sur le coup là, si je veux faire un follow-back. Donc, et puis ça s'est vraiment accéléré. Avant, j'avais peut-être une demande comme ça, tous les deux jours, un truc comme ça. Mais là, ce matin, 16, c'était colossal, quoi. Donc, d'un côté, je trouve ça bien, parce que ça veut dire que Twitter est en train de devenir mainstream. D'un autre côté, je trouve ça un peu dommage, parce que c'est clairement, là, sur les 16 demandes que j'ai eues, comme je vous dis, il y en a 15 qui présentaient aucun intérêt pour moi, et je suis à peu près sûr que mes tweets présentent aucun intérêt pour eux. Donc c'est juste une sorte de mécanisme qu'eux, ils utilisent là, pour essayer de gagner des followers, pour être un peu plus gros. Enfin bon, ça fait un peu mesurage de caquette d'un côté, là, et puis histoire d'avoir un peu plus d'audience, et que si on a un compteur qui est un peu plus haut au niveau des followers, bon, on a l'impression qu'on a un peu plus d'influence. Bon, voilà, c'est un peu cette perversion là par rapport à Twitter qui est un peu dommage. Mais d'un autre côté, ça veut dire que c'est vraiment un outil là, qui est de plus en plus utilisé par le commun des mortels et non pas juste par les Uber geeks. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, il y a deux outils aussi encore qui sont sortis, enfin en tout cas dont j'ai eu connaissance par rapport à Twitter. Il y a toute une sorte d'écosystème hein, qui existe autour de Twitter maintenant. Il y a notamment un service qui est pas mal, un site web qui s'appelle tweetas.com qui vous donne depuis combien de temps vous êtes sur Twitter, qui vous suit, enfin c'est pas mal. Mais les deux dont je voulais vous parler cette semaine, il y en a un, c'est tweetlater.com. Alors l'idée paraît intéressante, hein, c'est pour tweeter un message à une date, à une heure bien donnée, ou ça peut vous donner des informations sur qui vous suit, vous suit pas. Bon, moi je me suis inscrit, puis je me suis désinscrit tout de suite après parce que bon, il y a un niveau freemium, donc un niveau gratuit, puis un niveau premium. Ça me paraissait très très commercial tout ça, donc bon, je suis vite parti de là. Mais si vous voulez faire tout un business par rapport à Twitter, peut-être qu'il y a des services là-dedans qui sont intéressants. En particulier, il y a une fonction qui, je suis sûr, est très utilisée par les gens qui veulent construire une grosse audience via Twitter. Là, c'est le auto-follow ou la réponse automatique aux gens qui vous suivent. Moi, je trouve ça très désagréable, voire même suspect, hein. Quelqu'un que je suis, donc que je choisis de suivre dans Twitter, qui m'envoie donc dans les minutes qui suivent un direct message, donc un message privé pour me dire ah tiens, what's up, sur quoi tu travailles en ce moment en anglais, tout ça. Bon, clairement, c'est pas un message qui m'est dirigé, c'est juste du auto-reply. Donc ça, c'est limite du spam, à telle limite que moi les gens que je décide de suivre, parce qu'initialement j'ai cru que leur Twitter était intéressant, quand je reçois ça, je les unfollow quasiment tout de suite, quoi. Parce que bon, c'est ça aussi un peu la gestion que demande Twitter, c'est que c'est bien beau de suivre des gens passionnants là, mais s'ils vous arrosent de tweets que vous n'avez pas le temps de lire et qui noient d'autres tweets qui sont plus pertinents pour vous, bah, vaut mieux ne pas les suivre. Donc c'est aussi un critère pour moi de défollower les gens là. Bah, c'est quand ce sont non pas des vrais gens là, qui tweetent, mais soit des feeds RSS ou des robots qui vous balancent comme ça 5 ou 6 tweets d'un coup. Là, je vois pas d'intérêt de suivre ce genre d'informations. Bon, il y en a quelques-uns que je suis qui sont des robots, style Le Monde ou CNN, mais parce qu'ils postent relativement rarement, c'est surtout pas des rafales comme ça. Je trouve ça complètement con, là. C'est aberrant par rapport à la manière dont fonctionne Twitter, quoi. Et puis c'est la meilleure manière de se faire débarquer comme ça. Donc voilà, c'était un peu les deux services par rapport à Twitter dont je voulais vous parler. Et il y a une des deux previews dont je vais vous parler un peu plus loin de la chaîne guitare. Donc un luthier qui s'appelle Patrick Kerleux, que j'ai découvert via Twitter. Donc en ce moment, je fantasme un peu sur une guitare de style Les Paul Junior avec un seul micro, un P90. Et donc j'ai tweeté ça et quelqu'un m'a répondu. C'est d'ailleurs quelqu'un qui s'occupe d'un blog super bien foutu qui s'appelle musicosphere.com, musico avec un Z. Hein. Et il m'a dit, ah bah tiens, l'autre jour j'ai essayé une SG Junior super bien d'un luthier. Bon, deux tweets plus loin, il m'a envoyé le nom du luthier. Il se trouve que ce luthier habite à Joinville-le-Pont, hein, donc pas très loin d'ici. Donc je suis allé l'interviewer. Donc comme quoi, Twitter, pour ceux qui se demandent à quoi ça sert, et ben voilà, ça sert à voir ce genre de rencontre dans la vraie vie. Et c'était pas mal sympa. Je vous ferai écouter ça un petit peu. Donc pour revenir sur la chronique geek. Il y a une application que j'utilise et puis dont je vous ai déjà pas mal rabâché les oreilles qui s'appelle Evernote, qui permet de stocker des notes et puis de les taguer, et puis que ça soit des notes texte, des fichiers, des notes audio et des photos. C'est très bien foutu et surtout, c'est disponible sur, il y a un client desktop, Mac ou PC, c'est disponible via le web et bien sûr, au bonheur, si on fait la plus grosse utilité, c'est disponible sur tout un tas de plateformes mobiles, donc en particulier l'iPhone. Donc moi je l'utilise beaucoup pour stocker de l'information, que ce soit mes logs de recherche de boulot ou des informations pour la chaîne guitare ou pour le PCC. Enfin bon, c'est très pratique, c'est très bien foutu. Il y a un défaut, je trouve, de l'application iPhone, c'est que le mode offline, je trouve, est pas assez snappy. Ça devrait être plus rapide que ça. Et il se trouve que hier matin, j'étais à un séminaire très intéressant organisé par la société smile.fr sur les solutions business intelligence open source, que moi je ne connaissais pas du tout. Hein. Moi, les solutions que je connais, hein, c'est la grosse armada commerciale de SAP, donc R3, PO, BW, tout ça. Je connais un petit peu Cognos, puis d'autres business objects, des solutions de ce style-là. Mais les solutions open source, je ne les connaissais pas du tout. Donc c'était intéressant. Là, c'est un de mes anciens collègues du MBA, du HEC à Montréal qui m'avait recommandé ça. Et donc j'y suis allé et puis naturellement pendant la présentation j'ai voulu prendre quelques notes. Donc malheureusement Evernote n'est pas très bien foutu pour ça, en tout cas pour le client iPhone, et c'est bien dommage. Alors j'ai utilisé une autre application que Nicolas Esposito m'avait fait découvrir, là, Nicolas de Rendez-vous Création. C'est une application qui s'appelle Gnotes. Donc comme ça se prononce, Gnotes, et qui est en fait un client au Google Notebook. Alors Google Notebook, je pense que c'est un service qui a été arrêté, ou en tout cas qui n'est plus publicisé par Google, mais qui est toujours actif. Et le côté super sympa de ce système, c'est que là, il se trouve que la présentation, elle était dans un sous-sol, donc pas de Wi-Fi, pas de réseau 3G, rien du tout. Donc la seule solution, c'était d'avoir un truc offline. Mais évidemment, comme je suis quand même un geek, il fallait que ça soit quelque chose qui se synchronise par la suite. Donc c'est vrai que j'aurais pu très bien aller dans l'application Notes de l'iPhone, mais nativement, il n'y a rien qui existe pour récupérer ensuite ce que vous avez tapé, donc ça en limite un peu l'utilité. Ça va changer avec le firmware 3.0, mais c'est pas le cas pour l'instant. Donc du coup, j'ai utilisé cette application, et puis ensuite, dès que j'ai eu à nouveau le réseau ou 3G ou Wi-Fi, ça s'est synchronisé. Ensuite, j'ai pu récupérer le contenu via mon Google Notebook et que j'ai importé finalement dans Evernote pour avoir ça à la main. Donc voilà un peu tout ça pour vous parler à la fois de Evernote, encore une fois, parce que là je m'en sers tellement que j'ai busté le quota mensuel de, je pense, de 40 MB ou un truc comme ça. Et donc du coup je viens de m'upgrader au niveau premium, qui est pas très cher parce que ça coûte $45 US pour un an, soit 32 € pour une utilisation que j'utilise de manière assez quotidienne et assez intensivement. Ça me paraît pas bien cher, et surtout c'est super bien foutu. Donc voilà, c'était un peu la chronique geek pour cette semaine. Je vais vous faire écouter donc maintenant deux morceaux de deux interviews que j'ai réalisées tout récemment. Je vous laisse découvrir la première personne que j'ai interviewée. C'est parti. Alors c'est parti, voilà, nouvel invité dans la chaîne guitare avec Manuel Galvin. Comment est-ce que ça va ? Ça va bien, jusqu'ici ça va bien. Ouais, ok, voilà. Parfait. Alors c'est ma traditionnelle première question, quelle était ta première guitare ? Ma première guitare, je ne vais pas compter, ça a commencé très tard, hein, parce que moi je suis né en 58, j'ai eu ma première guitare, ça devait être en 76. Mmh. Et en fait c'était une guitare corde nylon de marque tout à fait quelconque, je ne me rappelle plus. En revanche, la première guitare corde acier, donc folk, que j'ai acheté, la marque c'était Yamaki. Le modèle, c'était Yamaki Custom, je me souviens. Custom, quand même. J'ai tapé fort tout de suite. et voilà, c'est une guitare que j'ai gardée quelques années quand même. Et puis après, y a d'autres instruments qui arrivent. Mais c'était la toute première, c'est celle-ci. Et c'était très impressionnant pour moi. J'ai l'impression d'un coup d'avoir un véritable instrument. Le fait de passer des cordes nylon à la corde acier, j'ai l'impression de dire, c'était parti. Et alors, est-ce que tu pourrais un peu décrire ton parcours, justement, depuis cette Yamaki jusqu'à nos jours ? Les premiers accords de guitare que j'ai appris, c'était au lycée où j'étais. J'habitais à Montreuil toute ma jeunesse. Et j'avais la chance d'avoir dans mon entourage très proche, dans ma classe en fait, un garçon que je vois toujours, qui s'appelle Yves Torchinski, qui est contrebassiste de jazz maintenant. Et à l'époque, il jouait de la guitare. Et c'est lui qui m'a montré donc les premiers accords. Et ça a donné très vite... en fait, on s'est réunis, on a commencé à faire un groupe, les choses comme ça. On savait, enfin moi en tout cas, j'avais pratiquement rien joué, j'avais 2-3 accords, et c'était parti sur les choses comme un peu Rolling Stone, des trucs comme ça. Et on a fait connaissance au lycée où on était toujours d'un copain qui est était passionné de musique américaine, on va dire blues et jazz, et qui nous a fait, lui, découvrir vraiment ce qu'était, pour lui, le blues, tel qu'il l'entendait, en tout cas. Il faisait une sorte de racisme musical. La seule chose qui comptait pour lui, c'était les Noirs américains. Okay. Donc, il nous a fait écouter les B.B. King, Muddy Waters, Albert King, des gens comme ça. Et je dois quand même dire que ça a été une sorte de choc à la fois émotionnel et donc culturel. Et on a commencé à jouer ce genre de choses, Muddy Waters, des choses comme ça. Muddy Waters qui a été pour moi le premier concert de blues que j'ai vu et ça m'a donné une envie de faire cette musique. Donc ça a commencé comme ça. J'ai par la suite pris 2-3 cours avec un guitariste de jazz à Paris qui s'appelait Pierre Culaz, qui s'appelle toujours d'ailleurs, Pierre Culaz, que je salue, qui m'a un peu fait comprendre qu'il y avait d'autres choses que mi-septième, la septième et si-septième, à part qu'à l'instant, au moment où il me l'a expliqué, ça me paraissait totalement superflu. Je ne voyais pas l'utilité. C'est-à-dire que c'était. Et j'ai eu le déclic bien longtemps après. C'est-à-dire que j'ai continué, j'ai été le voir un petit peu. Puis après, je me suis dit, de toute façon, c'est pas ce que je veux faire. C'est pas ça, ça m'intéresse pas. J'avais l'impression qu'en fait, le fait de prendre des cours de jazz, c'était synonyme de savoir tout jouer. En fait, non, quand on prend des cours de jazz. Alors voilà, ça, c'était donc Manuel Galvin, donc un très grand guitariste français qui a joué avec tout un tas de monde, là, qui a joué il n'y a pas si longtemps avec Maxime Le Forestier. Ils ont enregistré un DVD ensemble qui s'appelle Plutôt Guitare, où il y avait sur scène, tenez-vous bien, Michel Aumont, déjà interviewé d'ailleurs sur la chaîne Guitare, Jean-Félix Lalanne, donc Maxime Le Forestier qui chante et qui joue de la guitare, et puis Manuel Galvin. Donc c'est un guitariste qui est plutôt, je dirais, d'obédience blues. Il m'a raconté un petit peu dans l'interview plus loin qu'en ce moment, il fait à peu près 60-70% acoustique puis 30% électrique. Mais c'est aussi un très grand guitariste électrique. Hein. Il a joué avec plein de monde. En particulier, il est très proche d'un harmoniciste qui est bien connu sur la scène française en la personne de Jean-Jacques Milteau. Donc c'est un grand bonhomme. Donc c'est une interview qui n'est pas encore en ligne sur la chaîne Guitare. Donc voilà, c'est vraiment un preview histoire de vous en donner envie. Et puis tant qu'on est dans les previews, en fait, je vais vous faire écouter maintenant 2-3 minutes de la rencontre que j'ai eue avec Patrick Kerleux, donc ce luthier qui habite à Joinville. C'est parti, on écoute ça. Alors voilà, un invité très spécial sur la chaîne Guitare, puisque à date, j'avais surtout interviewé des guitaristes. Maintenant, je vais interviewer un monsieur qui fabrique ces fameux instruments. Donc voilà, je suis avec Patrick Kerleux. Alors comment est-ce que ça va, monsieur Kerleux ? Eh bien, plutôt pas mal. Ouais. Alors, je commence toujours les interviews par la même question. Quelle était votre première guitare ? La première guitare que j'ai possédée ? Ouais. La première guitare que j'ai achetée, ça devait être une guitare qui avait été fabriquée par un luthier qui s'appelle Castelluccia. C'était le père à l'époque, il l'avait faite sans doute. Et il était à l'époque installé place de la Porte de Montreuil ou quelque chose comme ça, enfin dans ce coin-là. Et c'était acoustique, électrique ? Et c'était une guitare acoustique, ouais. Ouais. C'était une guitare espagnole sur laquelle j'avais eu l'autorisation par lui de monter des cordes en métal. Ah oui ? Voilà. Et elle a résisté au traitement ? Un certain temps. Ouais. Un certain temps. Alors, comment est-ce qu'on devient luthier ? Grande question, hein. Ah oui, alors ça c'est une question à laquelle je suis pas sûr de savoir répondre. Votre parcours, alors ? Alors, mon parcours, c'est que j'ai fait de la musique pendant une quinzaine d'années, enfin jusqu'à l'âge de 30 ans environ. Ensuite, j'ai pris un métier sérieux. Enfin, j'ai été pris par un métier sérieux. Et pendant une dizaine d'années. Et après, il s'est trouvé le moment de songer à une reconversion, pour diverses raisons. Et je me suis demandé ce que je pourrais bien faire de mes mains et du reste. Et je me suis dit, mais pourquoi pas fabriquer des guitares ? Pourquoi pas ? Puisque c'est un truc que je connaissais plutôt pas trop mal. Enfin, en tout cas, de tout ce que je pouvais imaginer, c'était sans doute ce que je connaissais le mieux. Et comme j'aimais bien bricoler, que le bois, ça faisait déjà partie de ma vie, je me suis dit, mais voilà, j'ai trouvé mon truc. Donc vous aviez quand même certaines prédispositions, parce que bon... Je ne savais pas faire de guitare. D'accord. Okay. Enfin, je savais ce que c'était, mais je ne savais pas en faire. Voilà. Mais vous saviez faire quelque chose de vos 10 doigts. Moi, je sais que j'essaie d'accrocher un cadre à un mur, je me casse un bras. Hein, donc, Je pense pas que ce soit tout à fait vrai. et que pour savoir faire des choses avec ses mains, il suffit d'en avoir envie. Quoi. Ouais. Mmh. Voilà. Mmh. Hein, les gens qui n'accrochent pas les cadres, c'est parce que ça les emmerde. Aussi, non, c'est vrai, j'avoue. Hein. donc voilà. Oui, c'est vrai que j'aimais bien ça. J'ai toujours bien aimé tripoter du bois. J'ai toujours aimé les outils. Et donc, ça s'est imposé assez naturellement. Et alors, et comment, on prend son premier bout de bois, on le bricole, ou est-ce qu'on achète, on prend une guitare, on essaie de la restaurer ou de l'améliorer? C'est quoi le parcours? Alors, c'est un peu ça, mais j'avais toujours réglé, bricolé des guitares moi-même à l'époque où j'en faisais un usage quotidien. Voilà, donc c'est 3 minutes là de... extrait de cette interview. C'était vraiment une rencontre très sympa avec Patrick Carleux. Donc là, vous avez pu entendre que pendant l'interview, on s'est vouvoyé, quoi. Mais en fait, assez rapidement après l'interview, on est passé sur le tu. Il m'a offert une bière, tout ça. Il m'a montré les guitares sur lesquelles il travaillait en ce moment. Il m'a montré les guitares qu'il avait fabriquées, parce qu'il y en a quelques-unes qu'il a gardées, parce que c'est plus des guitares qui sont des essais comme ça. C'est pas forcément des guitares à donc il y a vraiment des choses intéressantes. Et une rencontre avec un luthier, c'est quand même, pour moi, c'est un peu des sorciers, un peu des magiciens, parce qu'ils partent de pas grand-chose quand même, d'un morceau de bois, et ils vous fabriquent quelque chose avec lequel vous allez faire de la musique. Donc il y a quand même quelque chose de magique hein, qui se passe là-dedans. En tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu de magique qui se passe là-dedans pour qu'au final, l'instrument... il sonne bien. Donc là encore, hein, ça c'est tout frais, hein, ça date de hier après-midi, donc c'est pas encore en ligne, je l'ai pas monté sur la chaîne guitare, mais il y aura l'interview en intégralité, en audio d'ici quelques semaines, y a aucun doute. Voilà, donc vous pouvez remarquer que je suis pas mal actif au niveau de la chaîne guitare, j'ai toujours autant de fun avec ça, et puis je me rappelle plus l'auditeur qui me l'avait suggéré, mais en tout cas voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'applique la suggestion, à savoir passer des petits previews justement pour aller vous donner envie d'écouter, de découvrir la chaîne guitare. Et puis que vous soyez d'ailleurs guitariste ou pas, il y avait quelqu'un qui me demandait cette semaine, est-ce qu'il y a besoin d'être guitariste pour écouter la chaîne guitare? Je dis non. C'est sûr, ça parle à 100% de guitare, mais enfin, c'est toujours pareil. Quand quelqu'un est passionné, s'il vous parle d'un sujet, en général, même si vous ne connaissez rien, vous allez y trouver quelque chose, enfin, quelque chose qui va venir vous chercher. Donc, clairement, l'audience ciblée de la chaîne guitare, ce sont les musiciens, les guitaristes, hein, mais tout le monde est bienvenu pour écouter la chaîne guitare et puis pour interagir dedans. Voilà, alors le dessert de ce numéro 113, c'est un feedback audio donc que j'ai reçu. Je vous en dis pas plus et on écoute ça tout de suite. C'est parti. Bonjour Pierre, bonjour les pots d'auditeurs du PCC. Je suis en direct de Bordeaux en tant que correspondant permanent autoproclamé donc dans le sud-ouest du PCC avec une pot d'auditrice. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour, donc nous sommes au Parc Bordelais, qui est un petit peu notre parc La Fontaine à nous, c'est ça? Tout à fait, avec un petit mélange de Parc de Vincennes maintenant. Oui, oui, c'est vrai. Donc c'est un endroit où tu viens courir régulièrement, c'est ça? Tout à fait, alors je ne suis pas du niveau de Pierre, je précise. Hein. Je précise aussi comment... Ça, tu fais pas moins de 2 heures au marathon? 2 heures au marathon en vélo. En vélo. Très bien, en vélo. C'est déjà pas mal. Hein. Tout à fait. Non, je fais un petit peu de jogging, on va dire, entre 7 à 10 kilomètres, une à deux fois par semaine, quand tout va bien. Alors, ce qui est amusant, c'est que tu m'as dit être donc une fidèle pod auditrice du PCC depuis le début, c'est-à-dire il y a 4 ans. Le premier épisode, depuis le volume 0. C'est énorme. Eh oui, je sais. Et on a constaté, donc, en correspondant, qu'on habitait dans la même commune. Oui, alors ça, c'est assez extraordinaire. Énorme, les deux plus grands fans du PCC se trouvent au Bousca, c'est ça? Voilà, mais il doit y avoir une sorte d'influence. Il y a des ondes. Voilà, bon, c'est pas la grippe, hein, j'espère. Donc alors, geek, coureuse, amatrice de technologie... Photographe, amateur, voilà. Donc on pouvait que se rencontrer, quoi, finalement. Tout à fait. Bon, donc c'est ce qu'on a fait dans un prochain numéro de Palmipod. Tout à fait. Et donc un peu de teasing sur le PCC. Exactement. Donc Pierre doit me connaître plus sous le nom de pseudo de Valment, hein, puisque je le suis. D'où ça vient ce pseudo? Tiens, je ne t'ai pas posé la question. Bon, Val comme Valérie, ouais. Ça n'était pas trop compliqué. Là, oui. Alors Ment, M-E-N-T-E, comme le col de Mente, dans les Pyrénées. Oui. ce qui était en fait le modèle de mon vélo. Ah, car j'ai fait du cyclotourisme pendant 7 ans. Oh la vache, si j'ose dire. Voilà. D'accord, ouais, c'est courageux ça aussi. Tout à fait, j'ai commencé à Pau et c'est vrai que les Pyrénées, ça monte. Ah oui, en effet, oui, d'accord. Et donc tu suis le PCC depuis le tout premier épisode, ah, le numéro 0. Le volume numéro 0, je les ai gardés tous. C'est énorme, je suis consterné. Mais aussi ceux de Palmipod. Hein. Ah bon, c'est gentil, il y en a moins. Quoi. Il y en a moins, bon, ça prend moins de place sur l'ordinateur. C'est vrai, donc on a longuement parlé de Pierre, bien sûr. Oui, c'est vrai que bon, j'ai l'impression de le connaître hein, depuis toutes ces années, bientôt 4 ans. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, ça me fait quelque chose. Hein, ça me donne c'est Carole bien, qui ne va pas être contente. Hein. Bon, je suis une fan, mais bon. Ok. C'est quand même. Enfin, moi, je trouve déjà sa régularité impressionnante. Moi, je suis. Voilà, métronomique et surtout avec du contenu qui m'intéresse. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Parce que c'est vrai que maintenant, les sujets sont peut-être un peu plus éclectiques, mais bon. Qu'on parle de Mac, de geek, même la guitare, je ne suis pas fan de guitare comme ça électrique, mais il nous a fait partager des morceaux superbes. Je te recommande l'interview, tu l'as écoutée de Bertignac. De Bertignac. Je t'aide un peu, ouais. J'adore. je vais l'écouter. Ah, mais elle est géniale, ce mec est vraiment super. Et alors, Pierre nous a fait ça, enfin, super, c'est vraiment. Un vrai pro. Ah ouais, ah ouais. Et donc, effectivement, puis bon, ben, c'est sa vie parisienne maintenant. C'est vrai qu'au départ, bon, c'est vrai que le sujet Pierre au Canada, c'était ça qui m'avait intéressé au départ. Donc, un Français là-bas, expatrié, avec les différences avec la France. Bon, et puis finalement, le retour, ça se passe bien. J'espère qu'il va retrouver rapidement du travail. Et puis, ben, c'est vrai que je suis ses aventures toutes les semaines. Le samedi matin, d'ailleurs. C'est mon heure de PCC. D'accord, donc c'est café, PCC... Voilà, PCC. Voilà, tout à fait. Je fais ma petite gym en écoutant le PCC. Bon, donc tu as deux auditeurs du samedi matin, café, PCC, au Bousca, il faut que tu le saches. Voilà, Pierre surtout, ne sois pas en retard pour le PCC. Oui, oui, ça c'est, oui, oui. Ça, c'est terrible hein, quand c'est en retard. Ah oui, non, ça me décale toute ma journée. Je ne sais plus quoi faire. Ça fout le week-end en l'air, quoi. Arrêtez, vous me mettez la pression. Bon, bah, on va reconnaître quand même que c'est parmi les podcasteurs les plus réguliers. Et donc, eh oui. Pour ça, vraiment, je lui dis merci. Et d'ailleurs, c'est pour ça, pour te remercier, un petit commentaire audio comme tu aimes. Ah, super. Bah, merci beaucoup, Valérie. Et puis, ouais. Bah, au plaisir de se retrouver alors sur palmipod.net. Pas de problème. À bientôt. Salut, Pierre. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. C'était bien cool de vous entendre, là. En train de parler parmi les petits gazouillis du parc, je sais plus quoi, là j'ai déjà oublié le nom. C'est bien sympa aussi, surtout de mettre une voix sur un nom Twitter là. Et puis, bah, alors là, moi je suis toujours confondu hein, quand les gens comme ça me suivent depuis si longtemps et surtout qu'ils gardent les épisodes précieusement. Bon, moi aussi je les garde, hein, ils sont quelque part, hein, ils sont pas sur l'ordinateur parce que ça me prend trop de place là, mais ils sont précieusement archivés. Mais bah merci beaucoup, hein, je peux qu'être me compter très chanceux là d'avoir des auditeurs aussi passionnés, aussi vivants et puis surtout que je suis capable de continuer à vous bah vous distraire un peu et puis à vous accompagner pour le café du samedi matin alors hein, donc bah j'espère que le café il est bon, que la gym va bien et puis qu'il fait beau par chez vous et donc très clairement il y a quelque chose dans l'eau là du Bousca qui fait que les gens ils ont envie d'écouter le PCC par là-bas donc bah c'est très bien quoi voilà. Donc merci encore pour ce podcast, pour ce feedback audio et je vous encourage à aller écouter donc le 3e anniversaire de Palmipod où il y a une interview de Valérie dedans, donc ça vous donnera encore tout plein d'informations. Voilà, donc on arrive à la fin de ce PCC. Donc comme d'habitude, pour réagir, vous pouvez appeler la ligne de téléphone pour laisser un message au répondeur. Vous faites donc depuis la France 001 206 333 0109, donc 001 206 333 0109. L'adresse de email, c'est toujours pareil, pjournal@gmail.com. Le blog pour laisser un commentaire, www.lepcc.net. Et Twitter, donc très à la mode en ce moment, twitter.com/pjournal. Voilà, je vous fais des grosses bises et puis on se reparle la semaine prochaine. Ciao, bye bye.